Pour donner un ordre, donc, à l'impératif, tous les verbes gogo deviennent gaga. Par exemple, pour dire « venez avec moi » à quelqu'un que vous voyez, vous direz « benga ». Encore une fois. « Benga ».« Benga », oui, avec moi. « Con me ». Bon, on a bien « con él », « con ella », « con nosotros », mais « avec moi », c'est « conmigo ». Ah oui. Et « avec toi », « contigo ». Hein? Ce sont deux exceptions. Et ça s'écrit tout attaché, en un seul mot. Donc, « venga conmigo hein? ».« Venga », »,« venga ». Et « ne sortez pas ». No salga. No salga, oui. Et ne sort pas. No salgas. Réessayez. No salgas. No salgas. Et ne sortez pas. Cette fois, vous le dites à plusieurs personnes que vous voyez. A ustedes. No salgan. Encore une fois, s'il vous plaît. No salgan. No salgan. No salgan. No salgan, oui. Encore une fois? No salgan. No salgan. D'accord. Et dites-moi, vous vous adressez à usted. Dígame. Dígame. Encore une fois? Dígame. Dígame, oui. Et ne me dites pas? No me diga. No me diga. No me diga. Et comment direz-vous dites-le-moi? Si vous avez deux pronoms, comme c'est le cas ici avec « le » et « moi », le pronom qui désigne la personne se place toujours en premier. Donc, d'abord « moi », puis « le ». Alors, dites-le-moi. Diga-me-lo. Dites, c'est diga. Diga. Hein? Diga, c'est dites, oui. Alors, ne changez pas « diga » un « diga hein? ».« Diga-me-lo ». Non, non, non. La syllabe accentuée reste la même. Hein? « Diga », la syllabe accentuée doit rester la même. « Diga-me-lo ». D'accord. Hein? Dites-la à nouveau. « Diga-me-lo ».« Diga-me-lo hein? ». Il n'y a pas de mal à exagérer un peu quand vous accentuez à l'oral. Hein? Accentuez bien clairement. « Diga-me-lo ». Diga, digamelo, dites-le-moi. Mais ne me le dites pas, c'est no me lo diga. C'est ça, no me lo diga. Encore une fois, s'il vous plaît. No me lo diga. No me lo diga. Et comment direz-vous dites-le-lui? Digalelo. Mais les lo, hein, pour une oreille espagnole, n'a pas un son agréable. Alors, les devient « c'est ». Ah oui. Dígaselo. Dígaselo. Hein? Dígaselo. C'est ça. De la même manière, comment direz-vous « je vous le prépare demain hein? » à usted. Se lo preparo mañana. D'accord. Hein? Se lo preparo mañana. Alors, encore une fois, dites-le-lui, c'est « dígaselo ». Tout à fait, c'est ça. Hein? Dígaselo. Hein? Donc, dígaselo, qui peut vouloir dire dites-le-lui, hein? À lui, dites-le-lui, à elle, ou encore dites-le-leur, à eux ou à elle. Donc, si vous voulez éviter toute ambiguïté, vous préciserez dígaselo a él, dígaselo a ella, dígaselo a ellos, ou dígaselo a ellas. C'est une façon d'éviter toute ambiguïté. Alors, ne le lui dites pas, hein, à lui. No se lo diga. Bien, no se lo diga. Ne le lui dites pas. Ou no se lo diga a elle, si vous avez besoin de préciser de qui vous parlez. Et dites-le-moi. Digamelo. Encore une fois, s'il vous plaît. Dígamelo. Dígamelo. Hein? Et ne le faites pas, vous vous adressez toujours à usted. No lo haga. Oui, no lo haga. Donc, tous les verbes go-go deviennent gaga à l'impératif. Donc, quand on donne un ordre. Alors, encore une fois, ne le faites pas. No lo haga. D'accord, no lo haga. Oui, et ne le fais pas. No lo hagas. No lo hagas. Et ne le faites pas. Cette fois, vous vous adressez à ustedes. No lo hagan. No lo hagan, oui. Et faites-le, toujours à l'adresse de ustedes. Háganlo. Bien, háganlo.